À l'occasion du 72e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée, le dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, a reçu le 9 octobre le message de félicitations de la part de Inu Bayar, président du Parti Populaire Révolutionnaire Mongol. Le destinataire a exprimé sa conviction du renforcement continu de l'amitié et de la coopération entre les deux partis afin de coopérer durablement et largement, et affirmer que la République populaire démocratique de Corée sera prospère à jamais.